Ok. Parce qu'avec du rouge, ils font la misère. Si on voit rouge, ça coûte du chalet, Parce qu'avec du rouge, ici le bleu déstresse. Moi je suis le blanc derrière le mic avec les feux de détresse. Y'a pas de paix, passe à l'attaque. Sur ma tête y'a pas de stress. Toujours au pifoc, la bac arrête pas de péter d'oppresse. Pourquoi les mots passent à la trappe et les gros salopresses. Sans flash, boule ou matraque, crois-moi ça galope près. Comme il est jamais trop tard, sortez vite du ring. Ouais ça va chier, mais pas pour les scatos qu'on juste en fait d'urine. Laissez les zombies, c'est à flot. On n'a pas vos défauts, mais le flow. Merci Nantam, un Belgique. En featuring, sur la prod à joke. Encore une envie tuerie. De l'été, c'est pas le tube pour Barbie, tu rigoles, mon pote. Avale un tube, de Barbie, tu rigoles, mon frotte. T'en pas les mains, c'est pas fini, je démarre. Si ça vous décourage, tant mieux, débat. Comme ça, t'es fixé, mais sur la ligne de départ. Nous, on s'en fout d'être à la mode. Le son sort tout droit de la grotte. Tu veux tester, grave des prods, c'est du. Des fourraillages de prod, s'en fout d'être à la mode. Le son sort tout droit de la grotte. Tu veux tester, craillage des prods, c'est du. Des fourrages, je compteur, je prends pas le mic pour plaisanter. Je mets du cœur à l'ouvrage, à défendre mes idées. Peu importe le thème, le beat faut le saigner. Rester fidèle à soi-même, ne pas en rajouter. Mon art n'est pas un game, donc ravale tes facéties. Monte les 11 et pull up ça, c'est le bon rap que t'apprécies. De la brûlure, de la bombe, y'a pas de doute sur le produit. 16 mesures de rime fraîche, c'est les pompeuses qui seront à vie. Ma vita est la province, de France jusqu'en Belgique. La passion c'est le moteur, je m'en bats les couilles de faire du fric. Je vendrai pas mon âme pour sortir un 10. Préfère tout lâcher et garder mon éthique, transmettre mes valeurs et défendre mes principes. À l'heure où les MC pour 100 EP sur leur cible. Sur la prod à joke, on reste authentique. Babrad, OP, Voyeur Ben, Aspect, Ricardis. On s'en fout d'être à la mode. Le son sort tout droit de la grotte. Tu veux tester, grave des prods, c'est du. Des fourraillages de prods. On s'en fout d'être à la mode. Le son sort tout droit de la grotte. Tu veux tester, grave des prods, c'est du. Des fourraillages de trois. Alors je garde mes distances. J'ai besoin d'avancer, je veux pas de ton aide. Car je te sens hésitant. Casse-toi de ma route et apprécie la sonorité. Je viens kicker ça en 16 mesures. Je suis pas là par hasard. Ouais c'est les frères qui m'ont invité. Dédicace au milkshake, anti-boucavé. Baiser de chienne à l'unisson. C'est la prod à choc qu'on frappe sec. Passe-moi un mic. Que tous les falches battent en retraite. Je vais mettre du cœur à l'ouvrage. C'est pour le projet d'opé. Babrat, on alimente les puristes, voix urbaine. Moi je rappe pour tous mes gars braves. J'ai l'estomac dans les talons. J'arrive en balle, ça vient d'en bas comme un uppercut qui t'allonge. Nous on s'en fout d'être à la mode. Le son sort tout droit de la grotte. Tu veux tester, grave des prods, c'est du. Des fourraillages de prods. On s'en fout d'être à la mode. Le son sort tout droit de la grotte. Yeah. Tu veux tester, grave des prods, c'est du. T'es le sale môme qui débarque et tes pattes. Dès que je rappe écarte, sinon je vais t'éclater les potes. Hein. Je viens d'un monde où on s'en tape de ton insigne. Ou si tu balances, c'est sur ta tête qu'on insiste. On met la concurrence en bien triste posture. J'ai pas mis mon costume, je rappe pas à titre posthume. Au micro, on pose dur, n'en est qu'à pas d'imposture. Demande à DJ Joe quand on sort, les tapettes ne causent plus. J'évite les bistes partout, l'ennemi, j'élimine nos cartouches. J'invite les rebeux et carlouches. Non mais que tu n'as pas pied, aspect en train de me baquer. La tête dans mes papiers, j'apprends aux anciens à raver. Toi, prêt pour la bataille, j'taperai les raptailles. J'rappe, j'taille des barres dangereux comme le Napal. J'm'en fous de kicker, chez nous y'a tout qui te plaît. Si tu nous invites sur ton son, on est obligé de tout niquer. Nous on s'en fout d'être à la mode. Le son sort tout droit de la grotte. Tu veux tester, grave des prods, c'est du. Des fourraillages de prod. On s'en fout d'être à la mode. Le son sort tout droit de la grotte. Tu veux tester, grave des prods, c'est du. Des fourraillages de prod. D'entrée de jeu sur la prod de Joe, tu peux m'appeler la rafale. Ma fierté, je la ravale. Vite comme y'a ses rares rafales. Toujours à l'état rabat. Le rap, c'est ma carapace. J'serai jamais à 4 pattes pour signer le contrat d'un sale rapace. Voir si je reprends mon souffle. Et même si je baisse d'un cran, tu resteras toujours en dessous. Concentré d'MC à mélanger dans le milkshake. On arrive à toute vitesse, mon d'autres joker pour que le beat pète. Si aspect et charisme, la team qui rappe des cesses dingues. Connais pas les fesses, hein. La haine dans les attestes, hein. On sait que tu nous détestes, hein. On est trop fait pour être fort. Vas-y contre ton rétro, ton équipe est trop pour être fort. De France en Belgique, Iron Pro te mélange. Je m'amène, tu connais l'ami. Fermé, tu sais qui te l'ami. Mon flow est broliqué, je sors les sens et le gros briquet. Si tu nous invites sur ton son, on est obligé de tout niquer. Nous on s'en fout d'être à la mode. Le son sort tout droit de la grotte. Tu veux tester, grave des prods, c'est du. t'es fou, raillage de prod, s'en fout, d'être à la mode. Nous sommes sortis droit de la grotte. Tu veux tester, raillage des prods, c'est du t'es fou, raillage de prod.